Pourtant, il y a longtemps, longtemps, en ces temps-là, le diable n'était encore qu'un tout petit, petit bonhomme. Les mots coulaient de source sûre pour tromper la misère, l'oppression, la peur et la mort. D'Haïti à la Martinique, en faisant le tour du monde par les chemins chiens, le conteur disait les mots rusés de la délivrance dans ses histoires à dormir debout, dans ses histoires extraordinaires, et pour expliquer la vie dans ses tim-tim bois secs. La parole du conteur, c'est le son de sa gorge, mais aussi sa sueur, les roulades de ses yeux, son ventre, les dessins de ses mains, son odeur, celle de la compagnie, le son du cas et tous les silences. Il faut y ajouter la nuit autour, la pluie s'il pleut, les vibrations silencieuses du monde, dit Patrick Chamoiseau dans ce libo magnifique. Et puis, le temps est revenu d'aller sur les routes en vagabondage pour une nouvelle génération de conteurs nourris au biberon des anciens parleurs. Valère Aigui, en Martinique, fait partie de ceux-là, qui arpentent les chemins pour raconter leurs histoires. Avec sa structure, AMI, en plus de conter, il organise un lot de rencontres toute l'année autour du conte. En mai dernier, il invitait 5 femmes conteuses de tous horizons dans l'événement « Lire et dire pour le plaisir ». Tous les 28 nuits, les contes à la pleine lune font frémir les petits et les grands. Tous les mois, dans les médiathèques et les bibliothèques, il y a les heures du conte. Et puis en octobre, le Festival international Contes et musique dans la cité. Il y aura pas moins de 12 manifestations autour du conte en ce mois de juillet en Martinique. Mais écoutons plutôt parler Valère. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la boîte. Non. C'est une boîte que quelqu'un a trouvée sur une place vide. Ok. Quand elle s'est approchée de la boîte, la boîte est devenue toute petite. Et en l'attrapant, la boîte a complètement disparu. C'était une boîte avec un message dedans. C'est un message qui dit « Emmenez-moi ». Imagine, qu'est-ce que c'était comme boîte ? Ben, et ce que j'imagine, c'est que je sais que cette boîte-là, il y avait aussi une musique qui se trouvait dedans. Mais en dehors de la musique, c'est une boîte qui pouvait raconter des choses. De ce fait, on pourrait dire que c'est une boîte à paroles. Ouais. Et dans la boîte à paroles, avant de commencer, en fait, avant que la parole commence, il y avait cette musique que cette boîte jouait souvent. Je suis Valère Aigui, conteur amoureux de la parole qui traverse le temps. Je crois l'avoir toujours été. Mes souvenirs m'amènent à mon enfance où mes oreilles ont reçu la parole de grands conteurs samaritains. Des frêles, Thirobet, ou plus proche encore, je dirais même au cœur de la famille, mon grand frère José. C'est certainement à cette époque que le conte est venu me chercher et je suis conteur par choix. Aujourd'hui, je me rends aux quatre coins du monde invité à conter des histoires de mon île ou du monde dans le cadre de festivals ou de soirées où le conte est roi. Ce sont des moments de rencontre, d'échange et de partage, l'endroit idéal pour que les histoires se mélangent et s'enrichissent avant de continuer à se répandre dans le monde entier. Alors partons au voyage. Laissons-nous emporter là où va l'air de la parole et allons rencontrer des hommes et des femmes qui voyagent depuis toujours, chargés dans leur corps et dans leur esprit des trésors ancestraux. Yeka, puisque la cour ne dort pas, bon festival à tous. C'était Nathalie Lollet à Avignon pour Antilla. Bonjour Sylvie Glissant, vous êtes directrice de l'Institut du Tout Monde et aujourd'hui vous êtes à Avignon dans le cadre de la 10e édition de l'Université d'été dans laquelle vous présentez Histoire de Nègre d'Édouard Glissant dans le cadre de l'IME. Alors avant de parler de ce projet pédagogique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Institut du Tout Monde ? Bon, alors l'Institut du Tout Monde d'abord a été créé par Édouard Glissant en 2006. Donc c'est je pense qu'Édouard l'appelait un lieu commun. C'est-à-dire un lieu où on convoque un peu toutes les pensées du monde, où elles se rencontrent, elles se touchent, elles débattent peut-être. Et donc nous essayons depuis quelques années de développer certains projets, notamment autour des poétiques de résistance. Et nous faisons de nombreuses soirées autour de ces résistances-là par la poésie, par la poétique. Alors cette année, l'université d'été a choisi d'interroger les figures de marronnage qui sont propres à la poétique d'Édouard Glissant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ? Oui, alors évidemment la figure du marron est extrêmement importante pour Édouard Glissant, et notamment dans son théâtre, dans ses textes. Je pense que ça, si vous voulez, c'est en continuité, si je puis dire, avec donc ses poétiques de résistance. C'est-à-dire qu'il n'a jamais scindé, si vous voulez, la poétique du théâtre, de l'essai. C'est vrai qu'étudier ces figures du marron, qui sont évidemment, ce sont donc ces résistances qui ont su s'échapper de la plantation. Ce sont aussi ceux qui ont enduré, ça c'est une citation, qui ont enduré sur les plantations, c'est-à-dire qui ont su résister dans leur imaginaire, dans leur inconscient, dans leur corps, qui sont ceux qui sont restés dans la plantation et qui n'ont pas succombé. C'est ceux qui ont survécu, voilà, ceux qui endurèrent. Ça, c'est peut-être en plus peut-être la plus grande figure de résistance que ceux qui ont réussi à partir, peut-être. Enfin, je pense. Effectivement, nous allons aussi aujourd'hui donc parler de cette pièce de théâtre qui avait été donc créée en 1970 au tout début de l'IME, de l'IME de l'Institut Martiniquais d'études, qui était donc une école qu'Édouard Glissant a fondée en 1967-68 avec un groupe de jeunes professeurs, avec des intellectuels. Donc c'était en Martinique. Et c'était, je pense, la première école de ce type, adaptée, si vous voulez, à la Caraïbe, adaptée à la langue, au créole, adaptée aussi à ses productions, à la fois poétiques, théâtrales, culturelles, mais pas seulement, politiques aussi. C'était, je pense, une autre façon de repenser politiquement ce rapport à la Caraïbe, à son entour. Il faut dire aussi que pendant, disons, de 1969 à 1979, Édouard Glissant a écrit le discours antillais, qui est un grand essai sur cette parole. Enfin, il convoque, si vous voulez, il fait un inventaire du réel antillais, peut-être pour la première fois. Mais pas seul, avec justement, d'abord sur le terrain, depuis son lieu, ce lieu où tout a commencé pour lui, non seulement son existence, mais aussi son œuvre, et avec ceux qui sont là, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui habitent ce lieu. Et de ce travail, de ces groupes de travail, notamment son... ça a été assez important parce que donc de nouvelles choses sont apparues, et notamment peut-être ce théâtre. Ce soir, nous allons parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Histoire de Nègre, qui est inédite, qui commence à être un peu jouée aux États-Unis. Il n'est pas anodin que l'on en parle maintenant, que ça je pense qu'on n'en a pas... Vous voyez, depuis 1970, on n'en avait pratiquement pas parlé. Donc, on retrouve ce texte. J'interrogeais une Juliette Éloi-Blaisès, donc, qui est professeure donc, à l'IME, toute jeune professeure en 1970. Et elle m'indiquait qu'Edouard leur avait demandé de collationner le maximum de textes qu'ils pouvaient... Sur l'histoire des Antillais, sur l'histoire des Africains, des Noirs, sur la Martinique, sur les luttes, sur les résistances, sur la traite et les esclavages. Et donc, c'était adressé aux professeurs qui étaient là. Donc, une sélection de textes a été faite. Alors, c'était des textes souvent assez difficiles, des textes notamment d'Aimé Césaire, du Père Labat, de Katébia Yacine aussi. Il y avait des chants haïtiens. Les textes étaient traduits en anglais et donc pour s'adresser à un public de la Caraïbe anglophone et aussi en espagnol et en haïtien. Voilà, en créole, enfin martiniquais ou créole haïtien. Si vous voulez, ce texte a été joué pour la première fois en 1971 pour le premier festival culturel au Lamantin, qui est donc en Martinique. C'est le lieu où a vécu Édouard Glissant dans sa jeunesse. Si vous voulez, l'objectif, si vous voulez, de cette pièce de théâtre, où les textes étaient articulés entre eux, il y a des textes de transition aussi et de présentation. En fait, l'objectif, si vous voulez, de ce texte, de cette création, était de mettre les grands textes à la portée du peuple martiniquais. Voilà, c'était le terme « peuple » était vraiment employé. Et de le jouer, de le dire ou de le chanter dans les campagnes de la Martinique. Faut dire qu'à cette époque, on n'allait pas au cinéma ou au théâtre. Beaucoup de gens n'étaient pas, ne savaient pas forcément lire ou écrire, mais ils pouvaient entendre ces textes, ils pouvaient y avoir accès ainsi. Et cette démarche a été extrêmement importante. Je pense que c'est presque un événement historique, si vous voulez, parce que je pense que beaucoup de choses ont changé dans ce rapport, si vous voulez, au grand texte, qui n'était pas connu du tout. Franchement, c'était... je vais vous lire quand même une citation. Donc, au début, qui introduit en fait ce texte, celui qui est sur la scène et qui joue la pièce n'est pas plus savant que celui qui est dans l'assistance. La pièce, nous la ferons ensemble, nous ne la jouerons pas. C'est pourquoi vous êtes acteur et actrice. Et vous, acteurs et actrices, vous commencez avec nous cette histoire du malheur, notre histoire. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors criez, tapez, nous discuterons la chose entre nous. Alors, si vous voulez, donc, il fallait donc mettre le spectateur en contact avec son histoire. Je pense que c'était peut-être pour la première fois. C'est vraiment une démarche importante dans ce sens. Ces textes donc traitaient de l'esclavage, comme je l'ai dit, des résistances, des répressions. Il faut dire que cette histoire en 1970 n'était pas du tout enseignée. On ne la connaissait pas. Donc, à l'heure actuelle, depuis au moins 10 ou 12 ans, un travail important a été fait autour de cette histoire et de l'esclavage. On le voit. Mais à cette époque, c'était absolument, c'était même

le caractère progressiste de l'emploi des langues occidentales, dans la mesure où elles permettent une économie de temps dans l'édification de l'Afrique nouvelle. Cette remarque ne saurait contrevenir à l'obligation de développer les langues autochtones. La Commission a également étudié, quatrièmement, le contexte littéraire général dans lequel s'inscrit l'écrivain noir. Ce contexte peut s'esquisser ou se définir à partir des points suivants. Petit a, l'influence consciemment ou inconsciemment éprouvée des traditions culturelles de l'Afrique noire. Petit b, la Commission constate le caractère positif de la référence à ces traditions et à leurs formes nouvelles, non seulement en Afrique, mais encore dans les pays à peuplement africain. Petit c, ce rattachement de l'écrivain aux traditions ne saurait cependant faire passer au second plan les particularités locales et les valeurs nationales. Petit d, un dernier point permettant de définir un contexte littéraire général porte sur la nécessité de dépasser les structures littéraires fixes telles qu'elles résultent de l'histoire littéraire de l'Occident. La Commission a examiné ensuite, cinquièmement, les responsabilités de l'écrivain noir envers son peuple. Dans la situation actuelle et temporaire des peuples noirs, ces responsabilités portent essentiellement sur trois points d'urgence. A. La contribution de l'écrivain au développement des langues autochtones dans tous les pays où ce développement est indispensable. B. L'expression vraie de la réalité de son peuple, longtemps obscurcie, déformée ou niée au cours de la période de colonisation. C. Enfin et surtout, la contribution à l'avancée et au progrès des peuples noirs, et en particulier, dans les pays où cette question se pose, la lutte en faveur de leur indépendance, puisque l'existence d'un État national est de nature à favoriser l'épanouissement d'une culture positive et féconde. Retrouvez la radio du Thomas en Île-de-France sur Aligre FM 93.1. Avec nous, Gilbert Lomore et Juno Coé, metteurs en scène associés du Sac de l'Ita, un spectacle de théâtre musical. Gilbert Lomore, vous êtes également auteur de ce spectacle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant, je vous propose d'écouter un petit extrait du spectacle. Alors messieurs, comment s'est organisée cette rencontre entre la Guadeloupe et la Corée du Sud ? Mais moi je peux commencer à dire que j'ai répondu à une invitation de l'université qui s'appelle Korean National University of Art, qui forme à tous les métiers du spectacle vivant, qui forme des comédiens au théâtre et au cinéma. Donc j'ai eu la grande chance et le privilège d'être invité comme professeur invité et artiste invité. Je connaissais déjà Juno Che, qui m'a... c'était un grand plaisir, une grande chance pour moi de le retrouver. Et grâce à lui, j'ai pu m'exprimer à mon aise, tant dans mon enseignement et puis dans ce projet, le Sac de l'Ita, qui a vu jour là-bas. Alors Juno, comment se sont articulées les deux cultures dans ce spectacle ? Comment est-ce que vous avez travaillé ? Parce que Césaire ne vous parlait pas forcément à vous, j'imagine. J'ai commencé par un texte de Gilbert très riche, qui me donnait beaucoup d'imagination. Et j'étais sûr dès le début, la rencontre enrichissante va créer quelque chose de nouveau et quelque chose de magnifique. Et alors à nos rencontres pendant la résidence en Corée, jour après jour, on découvre d'autres choses et on se sympathise. Ça devient tout de suite, au bout d'une semaine, une très belle équipe. Et comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux pour mélanger ces deux cultures ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on se connaissait déjà, on s'est rencontrés en Avignon, donc j'avais vu le travail de Junho, il avait vu le mien aussi, puisque je jouais à l'époque chez Timar, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis après, ça a été une question de courant qui passait, de rencontres entre êtres humains, personnes du théâtre, et qui avaient le désir de raconter une histoire ensemble. C'était un défi aussi aux apparentes barrières que pourrait représenter la langue et les cultures différentes, qui sont pour moi que des obstacles apparents qui nous appartient de contourner. Est-ce que vous pensez, dans ce spectacle, que la mort n'est pas une fin en soi ? C'est cela. Ça doit être la tradition de la Guadeloupe et de la Corée également, parce qu'en Corée, on pense que la vie courte est une petite, toute petite partie d'une longue vie de voyage. Et alors, on vit toujours avec les ancêtres. Le plus gros mot de la Corée, c'est « tu n'as pas honte devant tes ancêtres ». Et alors, ça veut dire que on vit, on voit, on discute, on parle toujours avec les ancêtres. Gilbert, dans ce spectacle, on a l'impression que la poésie peut régler beaucoup de maux. Mais pareil, pour revenir sur la question de la mort, en Guadeloupe, en Martinique, dans beaucoup de ces pays de la Caraïbe, de descendance africaine, il y a une autre notion de relation avec la mort. La mort n'est pas obligatoirement quelque chose de mortifiant, de négatif. Chez nous, il y avait la coutume des veillées mortuaires dans lesquelles on riait. On apportait du soutien à la famille du défunt, mais en même temps, c'était une occasion de boire, de manger, de raconter des contes qui célébraient la vie du défunt. Donc c'était une autre relation à la mort, et de trouver aussi plutôt que de s'attarder à ce qui nous sépare dans les deux cultures, Corée et Guadeloupe, trouver ce qui nous réunit, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire. Ce qui vous réunit, c'est la poésie, pour le coup. Alors, pour répondre à la poésie, en tout cas, qui peut s'appeler aussi la parole ancestrale, qui peut s'appeler aussi les contes, qui peut s'appeler aussi la tradition orale, qui peut s'appeler aussi la musique traditionnelle. C'est tout ce que Lita, le personnage principal, sort de son sac, qui est une espèce de maelstrom qui est aussi apparemment chaotique. Et c'est là que la pensée de Glissant est là présente dans ce sac de Lita, avec ce chaos monde dans lequel naît l'imprévisible et dans lequel naît en tout cas ce que vous venez d'appeler le renouveau. Peut-être, comme disait le conteur, un des conteurs qui m'a inspiré dans ce travail-là, le conteur doit quelque part accepter que la parole meure et de lui-même de mourir pour renaître tel le l'oiseau phénix, et que sa parole devienne d'autant plus forte de cette renaissance. Junho, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à Avignon aujourd'hui pendant ce Festival Off 2018 ? Pour moi, personnellement, le Festival d'Avignon est comme ma maison secondaire. Je passe régulièrement, presque tous les ans, depuis l'année 84 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 24e festival pour moi. Et alors, chaque fois, je retrouve le même grand plaisir, mais toujours avec des jeunes Coréens, autres Coréens. Quelques-uns sont très fidèles, mais eux-mêmes, ils découvrent des choses de nouveau. Ils font des rencontres magnifiques. Et là, comme ça, dans ma vie, c'est un moment de rafraîchissement, de changer d'air et puis d'avoir des idées comme ça. C'est un moment très, très important de mon année et de passer comme ça un mois ici. Bien, merci beaucoup à vous deux. On accueille maintenant notre invité surprise. Il est président de la commission culture de la région de la Guadeloupe. Georges Brédan, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous encouragez justement, vous, ce genre d'initiative qui crée des ponts culturels entre plusieurs pays ? Mais absolument. D'abord, je vous remercie de me recevoir. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation. J'encourage bien sûr ce genre d'initiative, en ce que nous prônons les identités plurielles, l'identité rhizome, donc d'en parler Glissant, et nous disons que nous sommes dans la relation, et que par votre conséquence, étant effectivement dans la relation, il faut aller à la rencontre de l'autre. Nos identités, nous créoles, sont, bon, on conjugue la diversité de nos métissages et la richesse de nos syncrétismes, mais nous sommes en relation avec le monde. Donc il faut arriver à faire ce genre de pont. Il faut aller vers l'autre parce qu'effectivement, nous sommes dans le tout-monde. Alors, comment ça se passe justement en Guadeloupe au niveau de la diffusion? Est-ce qu'elle est faite à l'intérieur de la région ou justement à l'extérieur vers l'Hexagone? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, nous estimons qu'il faut bien sûr favoriser la création en Guadeloupe, c'est-à-dire dans le territoire, dans le terroir, même si elle peut très bien s'imaginer ailleurs, hein, mais... la diffusion elle a vocation aussi à se faire en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que nous sommes une île, nous avons les limites de notre île et de notre archipel. Et donc, il faut arriver justement à sortir donc, de cet archipel, aller vers le monde et aller, je dirais, à la rencontre d'autres publics pour faire en sorte que nos imaginaires puissent voyager, puissent être le plus connu, le plus visible possible par les autres. Du coup, comment est-ce que vous percevez à l'heure actuelle le déroulement de la politique culturelle en Guadeloupe ? Ben, je perçois précisément comme étant une politique culturelle qui doit favoriser donc, la création, qui doit effectivement favoriser aussi les questionnements, donner à partager un monde de sensibilité et de valeur à travers la création artistique, faire en sorte effectivement aussi que la création artistique favorise, je dirais, un monde également qui puisse permettre à nos imaginaires d'avoir une forte exploration du réel, faire en sorte aussi donc de favoriser l'identité plurielle, puisque nous avons une société métissée, une société créole, et faire en sorte aussi que par-delà, nous puissions effectivement donner aux Guadeloupéens la possibilité d'affronter les grands enjeux de leur temps, et de pouvoir donc effectivement être à la hauteur donc de ces grands enjeux, et d'habiter une société plus humaine. Alors tout cela, bien sûr, doit se décliner en opérations, en actions, qui passent bien sûr par la création, par la diffusion, également la formation. Et donc, mais ce sont des déclinaisons d'objectifs que nous nous sommes fixés et d'une philosophie d'action que je viens de vous signaler. Alors quel est le but aujourd'hui de votre passage à Avignon pendant le festival ? Bien, mon passage à Avignon étant en charge justement, ayant en charge cette politique, vise à accompagner bien sûr les compagnies que nous soutenons, les soutenir, leur montrer que nous sommes à leur côté et que nous croyons beaucoup en elles, dans la qualité de leur travail, à également voir également et entendre les autres imaginaires, bien sûr ultramarins, mais bien au-delà, nous permettre aussi de prendre un véritable bain au niveau de la création artistique, nous immerger dans cette création artistique et puis à faire un retour en Guadeloupe pour que nous puissions encore aller plus loin, permettre à nos artistes eh bien, d'avoir les moyens de leur création et faire en sorte que nous puissions aussi leur donner les moyens de leur diffusion pour que ils puissent, encore une fois, rencontrer des publics qui soient les plus larges possibles, car nous croyons que l'art recoupe les frontières. Bien, merci pour votre visite et bon festival à vous. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour l'émission Grand Large, en direct de la Chapelle du Verbe Incarné. Bien sûr, on se retrouve demain avec les artistes du spectacle de danse trans au Théâtre Golovine. Et nous ferons le point en ce début de festival avec des artistes de la Chapelle du Verbe Incarné.